Alors que se tenait hier la journée mondiale de lutte contre le sida, le VIH, mais encore et toujours la recherche à rude épreuve. Malgré la mise au point de traitements qui permettent aux personnes séropositives d'avoir une espérance de vie accrue et de ne plus être contaminantes, ou encore le recours à des méthodes préventives de plus en plus efficaces, rien ne permet aujourd'hui de guérir du virus de l'immunodéficience humaine. Si des tests de vaccins commencent à prouver une certaine efficacité sur des souches bien précises du VIH, le combat s'annonce encore âpre contre le virus qui oppose des obstacles de taille à son éradication. La recherche doit donc s'aventurer sur des terrains complexes, des anticorps neutralisants à la thérapie génique. De nouvelles pistes sont aujourd'hui ouvertes par les chercheurs pour mettre à mal le virus et proposer aux 30 millions de personnes atteintes par le VIH la rémission tant attendue. VIH, la bataille de l'immunité, c'est le sujet fondamental que nous explorerons tout au long de cette heure. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre en quoi consiste cette aventure scientifique en cours qu'est la lutte contre le VIH, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur et directeur au sein de cet institut de l'unité virus et immunité. À vos côtés, Jean-Daniel Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et responsable de la recherche clinique au sein du Vaccine Research Institute. Vous pouvez, comme tous les jours, nous écouter sur votre poste de radio sur France Culture, mais aussi nous retrouver en podcast sur l'application Radio France. Vous pouvez également nous retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc pour toutes les informations utiles. Mais tout d'abord, et en raison d'un appel à la grève aujourd'hui, il n'y aura pas de journal des sciences. Restez à l'écoute, on se retrouve donc dans 5 minutes. En raison d'appels à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Que je te Viens par ici, cheval fumant, viens dans le giron. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Une méthode scientifique consacrée aujourd'hui à la recherche sur le VIH. Alors je le disais en introduction de cette émission, le VIH met depuis bientôt 40 ans la recherche à rude épreuve. Et pour commencer notre entretien, Olivier Schwartz et Jean-Daniel Lelièvre, je vous propose de faire un petit saut dans le passé, d'écouter une archive. C'était le 26 avril 1984 dans le journal d'Antenne 2. Le sida serait sur le point d'être vaincu. Le sida, c'est cette maladie qui entraîne l'effondrement du système immunitaire et contre laquelle les médecins étaient jusqu'à présent désarmés. Un véritable fléau qui a coûté la vie à plus de 1700 personnes aux États-Unis depuis l'année 81. Les chercheurs français de l'Institut Pasteur étaient déjà parvenus à isoler un virus tenu pour responsable de cette terrible maladie. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont parvenus à un résultat identique. C'est du moins ce qu'a annoncé la nuit dernière le secrétaire d'État américain à la santé. Les Américains ont dépensé en recherche 75 millions de dollars depuis l'apparition du sida. Et l'on peut penser qu'un vaccin sera mis au point dans les deux ans qui viennent. Les explications de Martine Alain Regnault. 4000 cas aux États-Unis, 300 cas en Europe. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Une maladie effroyable qui supprime les défenses du malade, souvent jusqu'au cancer, parfois jusqu'à la mort, et dont depuis 4 ans, on recherchait activement la cause sans la trouver, jusqu'à hier soir. Le secrétaire d'État à la santé des États-Unis, Margaret Heckler, annonçait la nouvelle. Une équipe américaine pense avoir isolé un virus responsable du sida. Un virus qui ressemble étrangement à celui qu'a isolé voici un an une équipe de l'Institut Pasteur à laquelle l'Amérique rend hommage aujourd'hui. Ce qui semble nouveau, c'est que le virus américain identifié cette semaine aux États-Unis et le virus français découvert voici un an sont vraisemblablement un seul et même virus. Si cela se confirme, les progrès dans la lutte contre la maladie pourront maintenant aller très vite en coopération entre les États-Unis et l'Institut Pasteur. Voilà, c'était en 1984, un an après l'identification par les équipes de l'Institut Pasteur du virus du VIH. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Olivier Schwartz? On voit qu'en 34 ans, puisque ce reportage a 34 ans maintenant, il y a eu quand même des progrès énormes dans différents domaines, à la fois dans la compréhension de la maladie, la compréhension du fonctionnement du virus, comment le virus rentre dans les cellules, atteint le système immunitaire, détruit les cellules du système immunitaire. Donc il y a eu la recherche fondamentale qui a énormément progressé. Il y a eu bien sûr la recherche thérapeutique qui a fait des progrès majeurs, puisque maintenant, et Jean-Daniel pourra nous le dire, les personnes qui sont soignées se portent normalement, quasiment. Elles ont une espérance de vie quasiment normale. Elles ont une espérance de vie normale, quasi normale. Donc les traitements spécifiques, la multithérapie, la trithérapie fonctionnent. Donc tout ça est en place, mais le nombre de cas, et on parlait de 4000 cas dans le reportage, a été multiplié par 10 000. Au niveau mondial, il n'y a jamais eu autant de cas. 36 millions aujourd'hui de personnes atteintes par le VIH. Il n'y a jamais eu autant de cas. Donc, on est confronté à une espèce de paradoxe. Il n'y a jamais eu autant de personnes atteintes du VIH cette année dans le monde. Et des progrès thérapeutiques fondamentaux majeurs. Des approches de prévention également qui ont été implémentées dans le monde. On pourra en parler. Mais il reste toujours la question du vaccin et des questions fondamentales de compréhension de ce qui se passe chez les personnes traitées, on y reviendra tout à l'heure. Alors, vous avez planté le décor de l'émission à ma place, c'est très pratique. Jean-Daniel Lelièvre, est-ce que vous voulez réagir à cette archive? Oh non, juste un complément. Comme le dit Olivier, il y a eu beaucoup de progrès. Je veux dire aussi que cette déclaration, alors moi j'étais très jeune à l'époque, mais en reprenant l'historique de ce qui s'est passé depuis, a fait beaucoup de mal à la recherche sur le vaccin, parce qu'on a donné l'impression aux gens que ça allait être très simple, et on est parti sur des pistes initialement qui étaient fausses, qui n'étaient pas les bonnes, en essayant de poursuivre ces mauvaises pistes, et malheureusement, ça donc a fait beaucoup de mal, et à l'heure actuelle, on a pris des pistes qui sont bien meilleures, et avec un espoir de voir des vaccins partiellement efficaces sur le marché dans les années à venir. Voilà, donc on rappelle, hein, quand on parle du VIH, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Si on parle de vaccin, c'est bien parce que on parle d'un principe qui est celui selon lequel le système immunitaire est en jeu. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit cours de SVT en fait avec vous, Olivier Schwartz et Jean-Daniel Lelièvre, et qu'on rappelle rapidement le fonctionnement de ce système immunitaire qui est affecté dans le cadre du VIH. On parle d'immunité innée, d'immunité acquise. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre nous éclairer sur les mécanismes immunitaires chez l'humain, Olivier Schwartz? Alors, je vais reprendre mon livre de SVT de 3e, que j'ai consulté récemment, d'ailleurs, à la maison. Donc, quand un microbe arrive dans l'organisme et que l'organisme ne le connaît pas, un microbe, ça peut être une bactérie, un virus, l'organisme réagit. Il y a deux catégories de réactions. La réaction innée, immédiate, notre corps sent qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe et déclenche une réponse immédiate. Fait sécréter des cytokines, par exemple de l'interféron, qui sont des signaux d'alerte et qui vont alerter l'ensemble des cellules et de l'organisme qu'il y a quelque chose d'étrange. Et donc l'interféron va entraîner une production de protéines qui vont protéger les cellules qui ne sont pas encore infectées de l'infection. Et donc ça, c'est quelque chose qui se met en place en quelques heures. Et en parallèle, il y a ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Donc c'est générer des anticorps, des cellules cytotoxiques qui sont là pour éliminer spécifiquement les cellules du système immunitaire. Alors dans cette immunité adaptative acquise, il y a des lymphocytes qui jouent un rôle très particulier. Jean-Daniel Lelièvre, ce sont les lymphocytes TCD4 et TCD8. Alors quel rôle ils jouent et pourquoi est-ce qu'ils ont un rôle majeur dans le cas du VIH? Alors ce qu'il faut bien comprendre déjà dans le cadre de l'infection par le VIH, c'est que cette réponse immunitaire ne permet pas de faire disparaître l'infection, mais simplement de la contrôler. En général, ce qui va vous protéger, Olivier vient de l'expliquer, c'est la mise en place de systèmes immunitaires et la production de ce qu'on appelle des anticorps qui vont ensuite bloquer l'infection. Dans le cadre de l'infection par le VIH, ces anticorps bloquent pas. Ce qui va permettre de contrôler la réplication du virus et faire que la maladie, avant qu'on ait des traitements évolués en 10 ans et pas en quelques mois, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes TCD8 qui détruisent les cellules qui sont infectées. Et le virus se reproduit énormément, va réinfecter d'autres cellules qui sont détruites par les lymphocytes TCD8. Et la particularité du virus VIH, c'est qu'il va infecter des cellules qu'on appelle les lymphocytes TCD4, qui sont d'autres virus, d'autres cellules de l'immunité, pardon. Et ces cellules, en fait, sont des cellules clés au sein de l'immunité qui permettent d'aider les lymphocytes TCD8 à détruire des cellules infectées, mais aussi d'aider à produire, par exemple, des anticorps. Et comme ces cellules sont détruites, l'organisme n'arrive pas à se défendre de manière efficace. Il se défend quand même et la maladie évolue sur plusieurs années, mais pas de manière efficace et n'arrive pas notamment à faire disparaître cette infection. Alors Olivier Schwartz, si on poursuit un petit peu dans ce portrait robot du virus du VIH, comment il infecte notre organisme? Est-ce que vous pourriez nous le décrire et pourquoi finalement il est si complexe à cerner pour notre organisme? Alors Jean-Daniel vient de rappeler le rôle des lymphocytes CD4 et effectivement le virus a ce qu'on appelle un tropisme, il est attiré par les lymphocytes CD4 et il va aller les infecter, ces cellules. Et donc c'est vrai, quand on entend le reportage là il y a 35 ans, on disait bon, dans 2 ans il y aura un vaccin, parce que on ne savait pas exactement comment le virus infectait directement le système immunitaire à l'époque, et on pensait qu'appliquer les stratégies qu'on connaissait de vaccins contre la grippe ou contre la polio allait probablement marcher. On ne savait pas que les lymphocytes CD4, qui sont donc le cœur de l'immunité adaptative dans notre organisme, étaient directement ciblés par le virus. Et donc, pourquoi est-ce qu'il infecte ces cellules? Parce qu'il utilise comme récepteur la molécule CD4. Et plus les lymphocytes CD4 s'activent, plus la réponse immunitaire s'active, plus le virus va être content et plus le virus va se multiplier. Donc, il tire la signal d'alarme en rentrant dans l'organisme. C'est branle-bas le combat du système immunitaire. Il est tout à fait content parce qu'il va directement infecter les cellules qui sont en état d'alarme. C'est une sorte de loup dans la bergerie qui multiplierait les brebis, en quelque sorte. Oui. On peut voir ça comme ça. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que effectivement, on parle d'un virus VIH, mais c'est un virus qui est deux particularités qui posent beaucoup de problèmes, c'est de se multiplier énormément. Et comme c'est un virus qu'on appelle du groupe des virus à ARN, on va pas un rétrovirus. Un rétrovirus, mais un virus à ARN, mm-hmm. on va pas entrer dans les détails, mais chaque fois qu'il se réplique, il fait des anomalies, il mute. Donc les virus filles sont différents des virus mères, etc. Et donc le système immunitaire, lui, met du temps à se mettre en place. Et au moment où il commence à se mettre en place, il est plus confronté à un seul type de virus, mais à des millions de virus, et des millions de virus très différents les uns des autres. Donc c'est un peu père garde-toi à gauche, père garde-toi à droite, et on se bat de tous les côtés. Et pendant qu'on essaye de détruire certains virus, d'autres sont en train de se produire, d'où cet épuisement au cours du temps du système immunitaire qui essaye en permanence de se défendre contre de nouveaux virus, et au bout d'un moment, qui n'y arrive plus. Olivier Schwartz, est-ce que vous pourriez aussi nous rappeler, en préambule de cette émission, les trois phases, les trois principales phases du virus de VIH, de la primo-infection à ce qu'on appelle le sida? Alors, tout ça, on parle bien sûr de ce qui se passe en absence de tout traitement antirétroviral. Mmh. Et heureusement, maintenant, on n'a pas dans l'immense majorité des cas, on ne va pas jusqu'à la phase du sida. Il y a une première phase qui est la phase aiguë, où donc il y a activation majeure du système immunitaire. La charge virale, c'est-à-dire la virémie, peut dépasser plus de 10 puissance 7, c'est-à-dire 10 millions de particules virales par millilitre de sang. Donc là, on a un pic de multiplication énorme. Une destruction massive des lymphocytes CD4 et en quelques semaines ou quelques mois, donc on a une chute du taux de CD4 et l'immunité adaptative arrive quand même à se mettre en place difficilement et donc on va se stabiliser, la charge virale va se stabiliser à un état d'équilibre qui peut durer plusieurs années. En fait, et donc c'est la phase dite chronique de l'infection. À chaque fois, le virus, comme le disait Jean-Daniel, s'adapte, mute. Il y a un combat quotidien du système immunitaire contre le virus. Et on atteint un état d'équilibre très fragile et qui progressivement, au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir un épuisement du système immunitaire et les défenses s'effondrent, il n'y a plus de CD4 et les maladies opportunistes peuvent arriver puisqu'il n'y a plus de système immunitaire pour contrer les infections opportunistes et autres infections. Alors oui, ce qui est important, et au début Olivier a dit fort heureusement on voit plus de sida, malheureusement on en voit encore, parce que ce qu'il faut comprendre dans ces trois phases qui étaient les phases que l'on voyait avant le traitement antirétroviral, c'est que ces phases existent encore. Elle n'existe plus quand vous prenez un traitement rétroviral, parce que là, vous allez bloquer et vous n'évoluez plus dans votre maladie, donc tout va bien. La première phase est très bruyante et ressemble à la grippe, mais dure quelques jours. Et la phase de latence, la phase asymptomatique, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, si vous avez été infecté et que vous n'allez pas vous faire dépister, vous évoluez vers la phase sida. Et c'est toute une des problématiques qu'on a, par exemple, en France à l'heure actuelle, c'est le problème du dépistage. Les gens ne se font pas dépister et arrivent tardivement, arrivent encore en stade sida en France. C'est un tiers des gens qui sont diagnostiqués tardivement. Et là, les problématiques, la prise en charge des les éventuelles complications font que la prise en charge est beaucoup plus complexe et donc il faut vraiment se faire dépister de manière très très précoce. Oui, on rappelle que plus le diagnostic du VIH est précoce, plus le traitement est efficace et plus la charge virale est réduite rapidement. Plus le traitement est rapidement efficace et moins vous avez besoin de traitement, parce que souvent en phase tardive il y a déjà des complications, donc vous êtes obligé de traiter et les complications et la maladie elle-même, et pour revenir à un moment où vous n'avez plus besoin de traiter les complications, ça peut demander du temps. Et les chiffres, les chiffres de la prévalence restent assez stables finalement en France, avec plus de 6000 cas diagnostiqués par an, donc une incidence assez stable, avec une hétérogénéité très importante en fonction des groupes à risque. Et donc, effectivement, il faut arriver à cibler les populations à risque, où les risques sont 150 fois supérieurs à ceux de la population générale. On peut y revenir. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. 16h21, vous écoutez La Méthode Scientifique et on s'intéresse aujourd'hui au VIH et aux multiples pistes de recherche qui visent à éradiquer ce virus avec nos invités Olivier Schwartz, qui est directeur scientifique de l'Institut Pasteur et directeur au sein de l'Institut Pasteur, toujours de l'unité virus et immunité. Et vous, Jean-Daniel Lelièvre, qui êtes, je le rappelle, médecin et responsable et directeur au sein de cette... responsable de la recherche clinique au sein du Vaccine Research Institute. Pardon, excusez-moi, c'est vraiment ridicule. Parmi les nombreux obstacles dans l'éradication du VIH, maladie dont on parle aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les cellules réservoirs, Olivier Schwartz, dont vous êtes spécialiste. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les fonctions de ces cellules et pourquoi elles posent problème dans le cadre de l'éradication du VIH ? Alors, qu'est-ce que le réservoir du VIH ? Il y a différentes définitions. Lorsque les personnes sont sous traitement, donc ils arrivent à contrôler dans l'immense majorité l'infection, la charge virale est indétectable puisqu'il n'y a plus de multiplication du virus. Mais si on arrête le traitement pour une raison ou une autre, en quelques semaines, le virus peut ressortir. Ça veut dire qu'il est présent dans l'organisme à bas bruit, à très bas bruit. Et donc, ces cellules qui sont infectées de façon dite latente, c'est-à-dire elles portent le virus ne se multiplie pas de façon active, comme les molécules antirétrovirales qui constituent la base du traitement agissent sur le virus qui se multiplie, ce virus-là est insensible au traitement antirétroviral classique. Donc ça pose pas de problème d'une certaine façon lorsque le traitement est maintenu, mais ce réservoir est toujours présent et l'objectif c'est d'arriver à éradiquer ou de façon fonctionnelle, on peut dire, ou de façon totale ce réservoir qui en fait correspond à des cellules assez hétérogènes qu'on retrouve un peu partout dans l'organisme. On estime qu'il y a à peu près une cellule lymphocytaire sur 1 million qui peut porter un virus dit latent, endormi en quelque sorte dans l'organisme. Donc ça fait à peu près entre 100 000 et 10 millions de cellules individuelles qui portent du virus latent. On peut savoir également qu'il y a au moins la trois quarts de ces virus, comme le rappelait Jean-Daniel en début d'émission, sont mutés. Ils sont probablement défectifs, c'est-à-dire ils n'ont pas capacité à se multiplier de façon productive. Mais en revanche, il reste quand même un quart de ce virus qui est endormi et qui n'attend que un événement ou l'absence de traitement antirétroviral pour repartir à nouveau. Jean-Daniel Lelièvre, sur ces questions des cellules réservoirs. Olivier a bien fait le point. Ce qui pose problème, c'est que en soi même sous les gens qui sont sous traitement antirétroviral. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs faire un petit rappel de ce à quoi correspond ce traitement antirétroviral pour les patients qui sont séropositifs? Alors le traitement antirétroviral, comme son nom l'indique, c'est trois molécules différentes, une trithérapie qui cible des phases différentes du cycle du virus à l'intérieur de la cellule. Le virus va entrer dans une cellule, intégrer le noyau de la cellule et ensuite produire l'ADN qui est là, va produire de nouvelles particules virales et on est capable d'agir à différents stades de ce cycle viral avec des molécules plus ou moins puissantes, les dernières molécules qu'on appelle des anti-intégrases étant les molécules les plus puissantes. Donc pour revenir à ce réservoir est présent, comme le disait Olivier, les gens qui sont sous traitement antirétroviraux, ça ne pose pas de problème puisque la maladie est contrôlée. Mais dès qu'ils vont arrêter le traitement, ça va repartir. Et on sait que prendre un traitement au quotidien, c'est quelque chose qui est complexe. On l'a redécouvert au moment de l'efficacité des trithérapies antirétrovirales. Si on regarde les gens qui prennent des antihypertenseurs, on s'aperçoit qu'ils prennent la moitié du temps leur traitement. Mais ça ne pose pas de problème parce que si vous arrêtez de prendre votre traitement pour votre tension, la tension réapparaît, vous reprenez le traitement et tout se passe bien. Dans le cadre de l'infection par le VIH, si vous prenez mal votre traitement, il y a des mutations qui peuvent apparaître au traitement et après vous pouvez avoir des difficultés à avoir un traitement qui est efficace. Vous êtes obligé de changer les molécules. Alors maintenant on en a beaucoup, mais il y a un moment donné où vous ne pouvez plus changer les molécules. Et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces études qui sont en cours sur les stratégies de cure d'éradication, parce qu'on sait que prendre un traitement tous les jours, tout le temps, toute sa vie, c'est ça réclame une discipline. Ça réclame une discipline que tout le monde ne peut pas avoir. Il y a des événements dans la vie qui fait que voilà, vous allez moins bien et donc vous avez plus envie de prendre vos traitements. Et donc, on a vraiment besoin de quelque chose en dehors de ce traitement, même si celui-ci est à l'heure actuelle très efficace. Olivier Schwartz, il y a parmi les patients séropositifs des cas de patients un peu exceptionnels qu'on appelle dits contrôleurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les mécanismes biologiques qui sont à l'œuvre chez ces patients dits contrôleurs et pourquoi ils intéressent de très près la recherche ? Alors, il y a différents types de patients dits contrôleurs. Il y a des contrôleurs naturels, d'une certaine façon. Ils ont été infectés, leur système immunitaire contrôle de façon naturelle l'infection. Et en fait, on s'aperçoit que chez ces patients, il n'y avait pas une hyperactivation du système immunitaire. La réponse immunitaire calme le jeu et contrôle tout à fait spontanément. Donc, ce sont des patients très rares. Moins de 0,5% des patients sont dans ce cas. On connaît certaines caractéristiques génétiques de ces patients, certaines caractéristiques du système immunitaire. Il y a un autre type de patient contrôleur. Ce sont des patients qui sont naturellement résistants à l'infection. Donc ça, ce n'est pas vraiment des contrôleurs, ce sont des patients résistants. Ils sont génétiquement déficients pour une molécule qui est le récepteur du virus, la molécule CCR5. Donc ceux-là ne vont pas s'infecter du tout par le virus. Donc c'est une autre forme de contrôle. Et enfin, il y a certains patients qui s'appellent les post-treatment contrôleurs. Et je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Donc ce sont des patients qui ont eu un traitement antirétroviral. Et si ce traitement s'arrête, le virus ne repart pas. Donc ce sont des patients très, très peu fréquents également, mais on commence à mieux les caractériser. À l'Institut Pasteur, on a des équipes, dans le cadre de l'ANRS également, il y a une cohorte qui est en train de se constituer avec l'hôpital de Kremlin-Bicêtre et d'autres hôpitaux également. Et donc ça, c'est très intéressant à essayer de comprendre finalement pourquoi des personnes à différents... on a vu trois catégories finalement de contrôle. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que comprendre ce qui se passe, ça va nous permettre d'améliorer les traitements pour les personnes qui ne sont pas dans ces catégories d'une certaine façon. Jean-Daniel Lelièvre, sur ces patients dits contrôleurs, comment vous les définiriez et qu'est-ce qui vous semble particulièrement important de mentionner ? Je crois que là, ils viennent d'être bien définis. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce que l'on disait, c'est-à-dire que vous êtes sous traitement antirétroviral, vous arrêtez votre traitement antirétroviral, la maladie repart. Et c'est les patients qui sont contrôleurs, notamment les élites contrôleurs, ceux qui contrôlent spontanément, ont un système immunitaire qui leur permet de contrôler la réplication du virus. Donc, ce que l'on va essayer de faire avec un vaccin, cette fois-ci un vaccin qu'on appelle thérapeutique, c'est-à-dire quelque chose qu'on va donner à des gens qui sont déjà infectés, c'est de mimer ce qui se passe chez les élites contrôleurs. Et maintenant, on a des outils pour étudier la réponse immunitaire qui sont très différents de ceux de 1984, qui sont des outils très très fins. On va l'étude génétiques, l'étude de ce qu'on appelle de la transcription des ARN, et on essaye de regarder si, avec nos candidats vaccins, on reproduit la même chose que ce qui est présent chez ces patients. On va revenir après la musique justement sur les grandes pistes aujourd'hui abordées par la recherche fondamentale concernant le VIH. Thank you. AIDS in Africa à 16h32 sur France Culture, puisqu'il est question de la recherche contre le sida et plus globalement contre le VIH aujourd'hui dans la méthode scientifique, avec nos invités Jean-Daniel Lelièvre, médecin et responsable de la recherche clinique au sein du Vaccine Research Institute, et Olivier Schwartz de l'Institut Pasteur. On parlait avant la musique des cellules réservoirs. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour du côté du laboratoire pour voir comment les chercheurs travaillent sur ces cellules. Je vous propose de nous rendre à l'Institut Pasteur où j'ai rencontré Azier Saez Sirion, qui est directeur du groupe Réservoir et Contrôle Viral. Avec son équipe, ils sont parvenus à bloquer la multiplication du VIH dans ces cellules réservoirs en s'attaquant à certains mécanismes métaboliques propres à ces cellules. Notre objectif était d'essayer d'identifier les caractéristiques des cellules qui s'infectent par le VIH. Donc, qu'est-ce que les virus cherchaient dans les cellules CD4 qu'il allait infecter. Effectivement, le virus est une particule tout simple qui ne peut pas se multiplier par lui-même. Et notre point de départ était, si on arrive à identifier les caractéristiques clés des cellules infectées, on va pouvoir trouver un point de vulnérabilité et probablement s'attaquer à ces cellules à travers ces besoins du virus pour l'infection. Nous avons montré qu'en effet, le virus va sélectivement infecter uniquement une partie des cellules CD4. Ce sont des cellules qui ont des activités métaboliques, donc des activités qui sont produites par la cellule pour fournir de l'énergie et des molécules pour pouvoir développer ces activités. Et donc c'est ces cellules-là très fortement métaboliques que le virus va cibler pour pouvoir établir l'infection et pour pouvoir se multiplier. Et donc à partir de là, nous avons pu montrer aussi qu'en interférant avec ces activités métaboliques, on peut bloquer la multiplication du virus et aussi éliminer les cellules qu'on infectait dans le laboratoire si on bloquait certains points métaboliques. Si on rentre un petit peu dans le détail, comment vous êtes parvenu justement à bloquer le virus? Comment vous êtes parvenu à bloquer sa multiplication? Et en lien, je crois, avec le glucose, avec des performances métaboliques, en tout cas liées à ces cellules immunitaires. Oui. Une fois que nous avons observé que le virus infectait des cellules avec une forte activité métabolique, nous avons essayé de voir si l'interférence de certains de ces voies métaboliques pouvait affecter la multiplication du virus, l'infection. Nous avons utilisé différentes drogues qui vont interférer avec la voie de la glycolyse, la voie des acides gras, la voie de la glutamine, différentes sources qui ont ces activités métaboliques de la cellule. Et nous avons pu montrer, par exemple, comment en bloquant les métabolismes de la glucose ou les métabolismes de la glutamine, on arrivait à inhiber les premières étapes de la multiplication du virus une fois que le virus rentrait dans la cellule. Ces premiers essais, vous les avez faits sur des cultures cellulaires, c'est ça? Oui, on les a fait sur des cellules que nous avons infectées dans le laboratoire. On a utilisé aussi des cellules issues des patients infectés par le VIH qui étaient sur traitement antirétroviral. On a trouvé les mêmes types de résultats, les mêmes potentiels de ces molécules pour empêcher l'activation du réservoir. Maintenant, il faut l'extrapoler à des modèles beaucoup plus complexes parce qu'effectivement, interférer avec des activités de la cellule, ce n'est pas quelque chose de simple. Mm-hmm. On le dit souvent, on regarde toujours avec attention nos collègues qui travaillent dans les domaines du cancer parce que finalement, l'enjeu est très similaire dans les cancers, dans l'infection par le VIH. Il s'agit d'éliminer une partie des cellules de soi et aussi en présence d'une réponse immunitaire qui n'est pas efficace. Le problème, je dirais, ou l'avantage en quelque sorte qu'on a dans les contextes VIH, c'est qu'il y a un traitement efficace et qu'on n'a pas besoin d'exposer aux patients au même type d'effet délétère qu'il peut avoir des traitements qui sont destinés à des personnes qui ont des cancers et qui n'ont pas d'autre solution qu'avoir recours à ce type de stratégie thérapeutique. Donc notre idée, c'est de savoir si, peut-être avec des traitements, je dirais, sous-optimales, probablement on n'a pas besoin de la même quantité de molécules pour une cellule cancéreuse que pour des cellules infectées par le VIH, on peut arriver à éliminer ces cellules infectées avec des effets secondaires qui seraient très très limités. Donc pour cela, on commence avec des molécules qu'on a déjà testées dans le laboratoire, pour lesquelles il y a une expérience clinique dans le contexte du cancer, donc on a un peu de recul sur les effets délétères et les modes d'administration, et on commence à travailler d'abord sur des modèles animaux comme preuve de concept, pour pouvoir déterminer si oui ou non, in vivo, cette stratégie peut nous permettre d'un côté de bloquer l'infection, de l'autre côté, d'éliminer des cellules infectées in vivo et surtout si ça nous permettrait d'éliminer les cellules persistantes en présence de traitement antirétroviral. Donc là, ça, ces essais sur des modèles animaux, c'est quelque chose qui est en cours ? Les mises à point ont commencé, les premières tests pilotes commencent là, courant décembre. Et on travaille aussi en collaboration avec des collègues américains qui ont repris un peu notre idée après la publication de l'article. Et on travaille en synergie avec eux. Ils ont commencé déjà quelques tests pilotes et donc on aura les premiers résultats en début d'année, en tout cas sur ces preuves de concept, les premiers vraiment résultats très très préliminaires, parce que c'est une première étape. Après la publication de ces travaux, nous avons fait des autres observations qui vont de façon très complémentaire et je trouve très intéressant aussi, nous renforce dans notre réflexion que cette stratégie peut être prometteuse. Donc, dans le laboratoire, nous caractérisons des patients qui sont très particuliers, des patients qui contrôlent naturellement l'infection. C'est des personnes qui n'ont jamais eu accès à un traitement antirétroviral. Donc, depuis des années, nous essayons de caractériser quels sont les mécanismes immunitaires qui permettent à ces patients de contrôler leur infection par le VIH. On avait déjà identifié que ces patients développent des réponses CD8 cytotoxiques très efficaces, dont ce sont des cellules CD8 qui vont très rapidement éliminer les cellules infectées. Et malheureusement, la plupart des personnes qui s'infectent par le VIH n'arrivent pas à développer. Ils arrivent des réponses CD8, mais pas de la même qualité. Et nous avons très récemment observé que finalement, les réponses des patients contrôlés et non contrôlés ont une différence dans leur programme moléculaire. Et curieusement, ces différences sont très associées avec la programmation métabolique de la cellule. Donc les cellules des patients qui ne contrôlent pas l'infection dépendent presque exclusivement de la glucose pour faire leur fonction. Les cellules des contrôleurs ont ce qu'on appelle une plasticité métabolique. Ils peuvent utiliser différentes ressources. Et tout ça, c'est dû à un défaut de programmation dans les cellules des personnes qui ne contrôlent pas l'infection. Et encore une fois, dans le laboratoire, on est arrivé à revertir un peu ces défauts par ce qu'on appelle une reprogrammation métabolique de la cellule. Et donc aujourd'hui, on travaille sur cette double base, en sachant que les potentiels de la reprogrammation métabolique de la cellule pourraient nous aider d'un côté à éliminer les cellules infectées, en tout cas diminuer très fortement leur nombre, et de l'autre côté pourraient servir à renforcer les réponses immunitaires spécifiques contre les virus. Voilà pour ce reportage à l'Institut Pasteur. Chez vous, Olivier Schwartz, presque. Alors, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que vous inspire ce reportage avec votre collègue Asier Saïd-Sirion ? Alors, je trouve les travaux d'Asier et de ses collaborateurs passionnants. Il a mis en évidence effectivement l'état d'activation ou l'état métabolique, c'est-à-dire que devient la cellule, comment elle produit de différentes substances, comment elle respire d'une certaine façon, peut affecter la capacité de la cellule à s'infecter, à devenir une cellule réservoir et peut également affecter la capacité des lymphocytes cytotoxiques à remplir leur fonction antivirale. Il faut savoir que ces dernières années, il y a vraiment eu une révolution technologique en termes d'analyse du fonctionnement des cellules. On fait beaucoup maintenant des approches dites de single cell. Donc, c'est-à-dire chaque cellule est analysée de façon individuelle. On peut séquencer dans une seule cellule son contenu en ADN, son contenu en ARN, c'est-à-dire son activité transcriptionnelle, son état métabolique, comme l'a rappelé Asier. Et toutes ces informations peuvent être intégré dans un système, un tissu, un organisme entier et nous permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe et c'est appliqué pour comprendre des mécanismes biologiques fondamentaux, normaux d'une certaine façon, mais également pathologiques. Asier a fait le lien avec la recherche sur le cancer et d'un point de vue de l'analyse des tumeurs qui peuvent apparaître, de leur trajectoire de mutation au cours du temps, ces techniques dites de single cell, s'appliquent également pour les maladies infectieuses. Et donc la recherche progresse de façon très intéressante et ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques. Alors là, on n'en est pas encore à intégrer ces traitements panoplie des traitements antirétroviraux, mais on espère qu'on pourra y venir. Là, l'objectif n'est pas d'agir directement sur le virus. Heureusement, il y a toute la panoplie de traitements antirétroviraux, mais d'agir sur l'environnement de la cellule. Il faut aussi savoir que finalement, l'entité infectieuse, ce qui infecte, c'est pas non seulement les particules virales elles-mêmes, mais c'est également la cellule infectée elle-même qui est comme un vaisseau qui produit des milliers de particules virales durant sa durée de vie, qui peut être très brève. Et donc, il faut arriver non pas à détruire ou à empêcher la propagation des particules virales elles-mêmes, mais empêcher la propagation de la cellule infectée. Et là, il y a un lien évident entre une cellule infectée et une cellule cancéreuse qui peut se déplacer dans l'organisme en fonction de son état métabolique ou d'activation. Jean-Daniel Lelièvre, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Une remarque générale. Alors, les travaux de Tassière, comme Olivier vient de le rappeler, sont assez remarquables. Juste une petite réflexion, parce qu'il faut bien comprendre dans quel domaine maintenant on se positionne. C'est qu'avant, avec les antirétroviraux, on avait des traitements qui étaient spécifiques du virus. Et maintenant, pour pouvoir toucher ce réservoir, pour pouvoir aller plus loin, on va avoir de nouveaux traitements, mais qui, comme vient de le rappeler Olivier, vont agir directement sur la cellule. Et toute la complexité vient de là, c'est-à-dire que on va, par exemple, avec ce que propose Assier, modifier ce qu'il appelle les voies métaboliques de la cellule. Mais quand vous modifiez les voies métaboliques d'une cellule qui est infectée, vous modifiez aussi les voies métaboliques d'une cellule qui n'est pas infectée. Donc vous n'êtes plus spécifique forcément du virus lui-même. Et c'est toute la difficulté actuelle des approches qui visent à mobiliser le réservoir. C'est-à-dire que en voulant mobiliser le réservoir, on va jouer sur des choses qui ne sont pas forcément spécifiques du virus et avoir des effets indésirables qui, dans le cadre, comme le rappelait Assier dans le reportage, dans le cadre de traitements équivalents dans le cadre du cancer, ne posent pas de problème parce que vous avez une balance bénéfice-risque qui est très en faveur du bénéfice quand vous donnez un traitement. Chez les patients infectés par le VIH, quand ils sont sous traitement antirétroviraux, ils vont bien. Maintenant, il n'y a quasiment plus, avec les nouveaux traitements, d'effets indésirables. Donc, proposer de nouveaux traitements, oui, mais il ne faut pas qu'ils induisent des effets indésirables. Olivier Schwartz, toujours dans ce contexte de recherche un peu plus fondamentale, vous vous intéressez de très près, je crois, à ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Alors, quel rôle jouent ces anticorps-là et pourquoi aujourd'hui c'est l'une des pistes, voies de recherche les plus dynamiques concernant le VIH ? Alors, c'est une des pistes de recherche. On a maintenant au laboratoire des outils, donc ce sont les anticorps neutralisant à large spectre. Donc ce sont des molécules qui ont été isolées d'ailleurs chez des individus contrôleurs eux-mêmes. Grâce aux techniques dont je parlais tout à l'heure, le single cell, on a pu cloner la séquence du gène qui code pour l'anticorps qui a un large spectre d'action. Et après, ça a permis de produire en masse ces anticorps. Donc là, il s'agit d'immunothérapie. Jean-Daniel parlait tout à l'heure de stratégie de vaccination thérapeutique. Mais cette immunothérapie, donc on peut injecter ces anticorps chez des patients. L'avantage d'un traitement par rapport à un traitement antirétroviral classique, c'est que la durée d'action peut être de plusieurs semaines en une seule injection. L'inconvénient, c'est que c'est une prise plus difficile. Les coûts sont très élevés encore pour l'instant. Donc ce sont des molécules qui vont cibler non pas le cycle de multiplication de virus, mais la particule virale elle-même. Et comme je le rappelais tout à l'heure, il neutralise à la fois les particules virales, mais également les cellules infectées. Ils peuvent se fixer sur l'enveloppe du virus, c'est ce qui est à la surface, mais également sur la cellule infectée elle-même. Et donc, on a donc un nouvel outil dans la panoplie thérapeutique, j'ai envie de dire, et c'est pas seulement un outil thérapeutique, c'est également un outil qu'on pourrait qualifier de pseudo-vaccinal d'une certaine façon, parce que on s'est aperçu que chez les individus qui prennent ce type d'anticorps, puisqu'il y a des essais cliniques en cours aux États-Unis actuellement avec quelques-unes de ces molécules, lorsqu'on arrête l'effet de l'anticorps, au bout de quelques semaines, il y a dans certains cas un effet pseudo-vaccinal. Le fait d'avoir injecté cet anticorps a rééduqué le système immunitaire de l'individu. Et donc, au sein du Vaccine Research Institute, par exemple, on a des stratégies où on va combiner ces anticorps avec d'autres approches vaccinales. Et on va, je pense que Jean-Daniel va en dire un mot, mais je voudrais juste rajouter quelque chose en ce qui concerne les anticorps neutralisants, donc qui sont en essai clinique. En fait, on est confronté au même problème qu'au début des traitements antirétroviraux. Il faut les combiner. On est obligé de faire de la trithérapie ou de la bithérapie avec des anticorps qui vont cibler différentes régions de l'enveloppe du virus pour être le plus actif possible. Jean-Daniel Lelièvre. Oui, juste peut-être un petit point pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Ce qui est important, c'est pas le fait que ce soit des anticorps neutralisants, mais c'est leur côté large spectre. On l'a peut-être pas assez dit au début de l'émission, mais la problématique du VIH, c'est qu'il n'existe pas un VIH, mais plusieurs sous-types de VIH, et que chez un individu, le virus mute, donc on a énormément de virus différents. On trouve chez tous les gens qui sont infectés des anticorps. C'est pour ça qu'on dit que les gens d'ailleurs sont séropositifs. Certains de ces anticorps sont neutralisants, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le virus de rentrer dans la cellule. Ce qu'on pensait impossible, on pensait jamais trouver, c'est des anticorps qui étaient capables de neutraliser l'ensemble des virus différents. Et c'est ce qu'on veut atteindre avec des vaccins, avec ce type de virus, mais aussi avec un vaccin contre le virus, par exemple, de la grippe, parce qu'il y a plein de virus de la grippe qui sont différents. Et on a trouvé chez des individus des anticorps qui étaient neutralisants, capables de neutraliser 90-95% des souches de VIH. Et c'est ça la grande nouveauté. Et comme le rappelait Olivier, ces anticorps sont utilisés pour eux-mêmes, c'est-à-dire comme anticorps qu'on va injecter pour prévenir ou combattre le virus. Où ils sont utilisés, on commence à comprendre comment chez ces individus un peu particuliers ces anticorps se développent, et on essaye avec des stratégies vaccinales de reproduire les conditions qui ont permis chez des individus très particuliers le développement de tels anticorps. Alors on l'entendait tout à l'heure dans l'archive que je vous proposais d'écouter, il y a un défi majeur concernant le VIH, c'est l'établissement et la mise au point d'un vaccin. Vous vous employez au quotidien à mettre au point ce type de vaccin. Pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas parvenu à mettre au point ce vaccin-là? Quels sont vraiment les points d'achoppement et les obstacles majeurs auxquels vous vous confrontez et vous vous êtes confronté? Le point d'achoppement, on vient de le dire, c'est-à-dire qu'on ne combat pas un virus, mais des milliers de virus différents, et que jusqu'à présent, on ne pensait pas qu'il était possible d'avoir ces anticorps neutralisant large spectre. Donc maintenant, on sait qu'il est possible, et il y a des études qui sont en place pour développer des stratégies vaccinales qui viseraient à développer ces anticorps neutralisants large spectre pour avoir des vaccins qui seraient efficaces à 100%, comme un vaccin contre l'hépatite B ou à 90-95%. On en est là à des étapes très précoces de caractérisation, de décryptage de comment ça se passe chez ces patients et de premiers essais chez l'animal et des tout premiers essais chez l'homme. On a d'autres stratégies vaccinales qui vont cibler que certaines souches du virus, et on a eu il y a une dizaine d'années les résultats d'un essai clinique qui s'appelait l'essai RV144 taille, qui a montré que une stratégie vaccinale donnait une efficacité modérée, mais statistiquement prouvée, et avec ce qu'on appelle des corrélats de protection. Donc on savait dire pourquoi il y avait cette protection d'environ 30%. Et on s'est aperçu que c'était lié à la production d'anticorps notamment, mais que ces anticorps n'étaient pas des anticorps avec les fonctions qu'on attendait pour un vaccin, qui est celle de bloquer l'entrée d'un pathogène dans la cellule qui va être sa cellule cible, mais par des mécanismes un petit peu plus complexes sur lesquels on pourra éventuellement revenir plus en détail. Mais on sait que ces stratégies sont beaucoup plus simples à mettre en place, et qu'on pourrait avoir des vaccins qui marcheraient contre certaines souches virales ou un peu plus, et probablement des vaccins qui marcheraient, on va dire, à 50% chez 50% des gens. Alors ça peut paraître peu, mais d'un point de vue épidémiologique, modélisation pour éradiquer cette maladie, non plus chez un individu, mais à l'échelle de la planète, avoir ce type de stratégie vaccinale serait une avancée majeure. Et là, il y a 3-4 essais qui visent à reproduire les essais RV144 qui sont en cours. Et donc, on attend beaucoup de ces essais. S'ils donnent les mêmes résultats, ça veut dire que dans dans une dizaine d'années, on pourrait avoir un vaccin partiellement efficace, mais partiellement efficace, encore une fois, qui à l'échelle de la planète pour avoir un vrai impact sur l'épidémie de VIH. Permettrait de faire décliner ce chiffre qui augmente de façon constante. Qui augmente de façon constante, qu'on pense pouvoir maîtriser avec l'utilisation très large du traitement. Mais si on regarde d'autres pathologies dans lesquelles on est un petit peu dans... Alors, qui sont différentes, mais on est un petit peu dans le même contexte. Si vous prenez la tuberculose, si vous prenez le paludisme, vous avez des traitements qui sont efficaces, vous avez des possibilités de protection mécanique, vous avez des possibilités de prophylaxie médicamenteuse. Pour autant, on n'arrive pas à contenir la maladie dans les deux cas. Pourquoi ? Parce qu'il manque aussi un vaccin efficace. Et le jour où on aura un vaccin efficace contre la tuberculose, contre le paludisme, c'est comme le VIH, on pourra impacter sur l'épidémie. Tant qu'on n'aura pas ça, on sera toujours en retard d'une bataille. Olivier Schwartz, sur cette question de la vaccination contre le VIH. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jean-Daniel vient de présenter. Il y a deux mois, il y avait le colloque des sans-gardes, qui est un colloque qui a lieu tous les deux ans à Annecy, où il y a les grands spécialistes mondiaux qui viennent parler de leurs recherches, à la fois fondamentales, mais également des essais vaccinaux. Moi, j'ai senti, il y a des essais qui durent depuis des années. On a parlé de l'essai Thaï. RV144, qui est en cours de réédition d'une certaine façon. Alors, les résultats n'ont pas été présentés, c'était trop tôt. Mais j'ai trouvé que cette stratégie, ceux qui en parlaient n'avaient pas l'air très optimistes. Voilà. Bon, donc ça, on verra, l'avenir nous dira ce que vont donner ces essais. Mais il reste de la place, l'imagination reste au pouvoir. Et comme pour les traitements antirétroviraux où on associe différents composants, le Vaccine Research Institute et au niveau européen, il y a d'autres consortiums européens qui visent justement à combiner différentes approches, à la fois de l'immunothérapie avec des anticorps neutralisant un large spectre et avec d'autres candidats vaccins qui sont combinés, qui individuellement ont peut-être pas un effet très important, mais on pense que l'association peut réduire, pourra réduire ou entraîner une protection à un certain niveau. L'union fait la force, donc j'en ai le dire. Oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi que avant la publication des résultats de RV144, on s'attendait pas à voir un effet. Donc on lance beaucoup de pistes, on espère beaucoup, et puis on trouve des choses nouvelles. Là, on est sur la piste d'RV144. Il y a quand même trois nouveaux essais très importants qui sont dans cette piste-là ou des pistes qui s'approchent, qui ont débuté et qui ont fini d'inclure des patients. On attend les résultats dans les 1 ou 2 ans. Et puis, il y aura peut-être demain des nouvelles stratégies qui vont donner auxquelles on accorde assez peu d'importance et qui vont donner des résultats très intéressants. Donc la science, l'histoire de la science et de la médecine nous apprend toujours de ne pas trop prédire les choses et d'attendre un petit peu. Oui, les échecs sont des résultats et ça vous permet aussi d'avancer. Si vous deviez définir des enjeux vraiment maintenant clés majeurs à présenter à nos auditeurs concernant la recherche sur le VIH, Olivier Schwartz, quels sont-ils ces enjeux à moyen, court terme ? Eh bien, il y a des enjeux fondamentaux. La recherche fondamentale est indispensable. Il faut continuer à investir, utiliser la révolution technologique en cours, créer de nouveaux outils. On arrive, par exemple, maintenant à isoler, comme je le disais tout à l'heure, des cellules à différents endroits de l'organisme. On arrive également à extraire le virus qui est endormi dans la cellule. On arrive à comprendre où ce virus est intégré dans le génome de la cellule. On arrive à visualiser en 3D le noyau entier, finalement, d'une cellule infectée et de comprendre pourquoi, en fonction du site d'intégration, le virus va se produire ou au contraire le virus va être endormi. Et donc ces notions d'interaction entre le virus et la cellule sont en cours et surtout ce sont des questions qui peuvent être adaptées à tout autre type de virus qui s'intègre dans la cellule, des virus type herpès, des papillomavirus par exemple. Et donc tous ces champs d'investigation progressent en ce moment et donc je suis tout à fait optimiste que de nouvelles pistes thérapeutiques vont jaillir de ces découvertes fondamentales très très basiques d'une certaine façon. Jean-Daniel Lelièvre, l'ONU SIDA se fixe comme objectif d'ici 2030 l'endiguement du VIH. Est-ce que c'est un objectif réaliste ? À mon avis, c'est un objectif qui est un petit peu trop optimiste, mais il faut mettre l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition pour arriver à faire ça. Juste, Olivier a parlé des objectifs. Je rajouterais, en tant que médecin et à côté de mes activités de chercheur, deux choses qui restent et qui demeurent très importantes. La première, c'est le dépistage. Qui est clé, essentiel. Qui nous permettra d'endiguer, d'éradiquer cette maladie. La problématique, c'est les gens qui ne sont pas dépistés. Donc, faites-vous dépister. C'est comme ça qu'on arrivera à combattre vraiment à l'échelle planétaire cette pathologie. Et puis, pour les gens qui sont infectés, qui sont sous traitement, les grands enjeux demain, et on commence à le faire, c'est de simplifier au maximum le traitement, de diminuer petit à petit le nombre de molécules pour que la prise du traitement soit plus simple pour eux. On rappelle également aussi les moyens de protection les plus simples qui sont toujours les meilleurs. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Schwartz, Jean-Daniel Lelièvre, de nous avoir éclairé sur la complexité du VIH et sur les pistes que vous explorez dans vos recherches. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Ville-France, Céline Lozen, Alexandra Delbo, Natacha Triou, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes. Demain, vous retrouverez Nicolas Martin pour une émission consacrée à un sujet hautement épineux, puisqu'on parlera de la forme de l'univers. Est-il plat, sphérique, hyperbolique, et que pourrait nous apprendre cette forme sur le devenir de l'univers? Vous saurez tout ou presque demain à 16h.